bonjour à toutes et à tous. C'est encore une grâce de se retrouver dans la maison de notre Dieu et dans la paix, de pouvoir encore le louer, le célébrer et ensuite recevoir les sages conseils qui viennent de sa parole. Ce matin, avant de passer au partage, j'avais quelques annonces d'abord. Maman n'est pas là avec Esther parce qu'il y a la convention des servantes, l'association des servantes de Christ. La convention a commencé depuis le mardi au 75e anniversaire des assemblées de Dieu. Et en tant que responsable des femmes au niveau de l'église évangélique mennonite du Burkina, on lui avait demandé de choisir soit l'ouverture ou bien la clôture. Bon, à l'ouverture, elle était un peu prise, donc elle est allée ce matin pour la clôture. C'est pourquoi elle et Esther ne sont pas là ce matin. Le pasteur travaille aussi en tant que responsable au niveau du conseil d'administration de la CIM, a été aussi invité. Il était à Orodara, mais il a fait le déplacement pour être là pour la clôture. Et moi-même, j'ai été aussi à l'église apostolique pour l'ouverture de leur convention nationale. Et ça, c'était le mercredi soir, comme représentant de l'église évangélique et en même temps un représentant en Teba, parce que mon directeur a voyagé. Donc, nous allons penser toujours à ces différentes structures qui ont leur convention, prier pour que Dieu les soutienne. Pour l'AEC, je crois qu'il doit avoir le renouvellement de leur bureau et elles avaient demandé de beaucoup prier. Et au niveau aussi des femmes, elles ont, je crois, réparti les différentes communautés évangéliques qui sont membres de la FEME et leur demander aussi de prier de façon suivie pour la paix dans notre nation. Mon épouse a laissé la commission et je crois qu'elle pourra donner de plus en plus d'informations parce qu'elles ont réparti entre les églises locales au niveau mennonite. Donc elle pourra donner plus d'amples informations pour nos mamans qui sont là. Ce matin, Lucie a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de mamans, c'est ça? Les femmes là n'étaient pas nombreuses, c'est pas vrai? C'est parce qu'elles n'étaient pas nombreuses qu'on n'a pas pu chanter. C'est la raison pour laquelle le pasteur vous dit de vous dépêcher pour agrandir leur nombre. Hein, Chantal? Bon. Le pasteur n'insiste pas pour rien. C'est pour cela qu'il faut que vous vous dépêchiez pour agrandir le nombre des femmes là. Là, ça va, elles seront plus nombreuses. Ok. Nous avons été réellement réjouis lors de la sortie à Doumbala. C'était un long voyage, mais nous disons merci à Dieu qui nous a soutenus. Et une des choses qui m'a encore réjoui, ceux qui se rappellent d'Ézéchiel. Beaucoup se rappellent de lui, non? Hein? C'était Ézéchiel qui était l'interprète. Et c'était très bien fait. J'ai dit, ah, quand je dis aux gens d'être de bons traducteurs, ils plaisantent. Johanna même a fait la remarque. N'est-ce pas, Johanna? Voilà. On s'est rendu compte que voilà quelqu'un qui a écouté le pasteur et qui a fait un bon travail pour nous. Parce que la sœur ne comprend pas, moi je ne comprends pas. L'oncle de la sœur ne comprend pas. Le chauffeur ne comprend pas. S'ils n'ont pas traduit, nous, on allait avoir quoi? La sœur, on allait comprendre quoi? Grammaire, je l'ai dit. Ok. Même la sœur aussi ne comprend pas. Bon, en bois, c'est nouveau, il ne comprend pas le bois. Donc, vous voyez, nous étions bloqués. Si ce n'est pas Ézéchiel qui nous a aidés, Ézéchiel a fait ça de tout son cœur. C'est pas vrai, Johanna? Et j'étais très content. Voilà. Donc, courage à chacun de vous. Quand le pasteur dit d'être des traducteurs, il faut le faire. Des occasions vont se présenter où vous allez montrer que vous avez bien écouté et ça nous aide tous. Je voulais vous informer aussi que la logeuse de Alicia, vous vous rappelez, Madame Bafiogo, elle a perdu sa maman le vendredi à Bobo. Bon, c'est une collègue et à cause de cela, moi, avec une petite délégation, nous allons nous rendre à Bobo. Nous allons quitter ce soir avec le dernier cas pour l'enterrement qui aura lieu demain. Donc, je voudrais que vous puissiez penser à sa famille. On va continuer à prier pour que Dieu console comme aussi la famille de Charles, toujours. Et lorsqu'elle reviendra, je pense qu'au moment opportun, en tant que communauté, nous rappelant de ce qu'elle a déjà fait pour nous, parce qu'elle était une des nôtres, elle était de l'église Mennonite, je vous informe que le premier bureau national, elle était membre de ce bureau-là. C'est parce qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui est des AD. Bon, elle s'est retrouvée dans l'église des AD. Sinon, c'était une de nos sœurs. Donc, quand elle reviendra, nous allons aller lui présenter nos condoléances au moment opportun. Je voudrais également demander qu'on continue toujours à prier, à dire merci à Dieu. Notre sœur Tani, qui était là avec nous, lorsqu'elle est rentrée, elle nous a envoyé un mot pour dire que le pasteur qui est venu nous rendre visite ici, Harold, il est arrivé au terme de son contrat avec eux et il a décidé de ne pas renouveler. Donc, en tant que communauté, ils ont décidé que ce soit Tani qui joue le rôle de pasteur. Donc, elle a besoin de nos prières. Je voudrais que chaque fois que vous allez devant le Seigneur, pensez à cette sœur, priez pour elle, pour qu'elle puisse jouer ce rôle. Même si le pasteur Harold dit qu'il va demeurer toujours dans la communauté, mais le rôle qu'il jouait, il a décidé d'arrêter. Donc, pensons à eux, surtout à cette sœur, pour la direction dans la prière. Une autre information, il s'agit de notre frère Jacob. Jacob il a postulé pour une position, comme il a fait MCC, il avait la possibilité de postuler pour une position pour 3 ans, je crois. C'est quoi? Lui, il peut bien nous expliquer ce que c'est. Oui, Jacob est là-bas, mais toi tu es à MCC. Bon, Jacob, explique un peu. Il faut que les gens comprennent. Il se retire, le monsieur là. Ok, Jacob, dis quelques mots. Voilà. D'accord. Comme je veux Ok. En fait, c'est un programme de volontariat. Voilà, c'est au Congo, précisément à l'est, pour 3 ans. Donc, je serai servir en tant que coordonnateur des activités de prêt dans cette zone. Oui. Vous savez qu'en tant qu'Église nationale aussi, souvent, parce que nous sommes membres d'un conseil de partenariat, la mission qu'on appelle AIMM, Africa Intermennonite Mission, celle qui a travaillé beaucoup au Congo et qui a établi des communautés mennonites, nous faisons partie de ce conseil de partenariat. Et souvent, lorsqu'il y a des difficultés, il y a toujours un représentant de notre communauté qui va pour soutenir quand il y a eu des cas de guerre, de déplacement en masse. Le pasteur Traoré, qui était à l'époque celui qui nous représentait, a déjà fait 2 ou 3 missions avec le responsable de la mission pour aller soutenir. Et que Jacob, membre de notre communauté, puisse aller jouer ce rôle au niveau de la paix, c'est quelque chose de très important. Ça fait loin, le Congo est démocratique, c'est pas loin? Bon, donc, Jacob est en train de se préparer, il est en train de commencer à réunir tous ses papiers pour pouvoir aller. Donc, nous devons beaucoup penser à lui dans la prière. Prier pour que Dieu le soutienne pendant toutes ces 3 années qu'il aura à faire au Congo démocratique. Donc, voyez comment Dieu ouvre de grandes portes pour chacun de nous. C'est une expérience que lui aussi vivra et probablement beaucoup d'autres auront l'occasion de vivre de telles expériences. Et j'aime dire en tant que pasteur, quand on a une expérience, il faut la vivre pleinement parce qu'on ne sait pas si on aura l'occasion de la revivre encore. N'est-ce pas? Donc, je me dis que Jacob, un bon aussi est prêt pour supporter toutes les conditions. Nous allons toujours l'accompagner dans la prière. Et lorsque je n'ai pas là, ma femme, elle a dit, mais Jacob fait partie de cette commission sociale-là. S'il part, on fait comment? Je dis, bon, les gens vont savoir comment il faut faire. Chacun n'a qu'à se mettre et chacun n'a qu'à travailler pour jouer un rôle dans cette communauté. Je voudrais qu'ensemble nous prions pour ces quelques sujets que j'ai énumérés, ceux de ma droite et de ma gauche, je vais vous demander de prier pour que Dieu continue toujours à consoler tous ceux qui ont perdu un être cher, comme cette sœur, Madame Bafiro. Continuez à prier pour Charles et son épouse et toute la famille. Vous allez prier pour cela. Et Paulin a si bien dit, il a dit à 50% qui ont été faits pour Draman et puis Johanna. Donc il reste 50%, c'est ça? Donc vous allez ajouter et prier pour que Dieu aide pour les 50% qui restent là. Bon, ils n'ont pas encore précisé la date, mais ils pensent se marier en mai. C'est pas loin. Ou bien? Est-ce que c'est loin? Bon, c'est à côté. Donc priez pour que Dieu puisse s'occuper de tout cela. Ceux de ma droite, nous allons prier, je me joins à vous, nous allons prier pour Jacob et nous allons également prier pour Tani, pour tout ce qu'elle aura comme responsabilité, que Dieu puisse la soutenir. Veuillez vous tenir debout, on va prier pour ce sujet-là. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci, nous te bénissons pour ta grâce et ton amour, nous t'exaltons parce que tu es notre Dieu. Oui, nous voulons venir à toi avec nos sujets. Et nous voulons te confier Tani, prends soin d'elle, aide-la, soutiens-la, fortifie-la, manifeste ta grâce dans sa vie. Nous voulons aussi te demander, Seigneur, toi qui connais toutes choses, que tu prennes soin de Jacob. Oui, ce programme annoncé, toi tu le connais mieux que nous. Et nous voulons que toi, dans ta grâce, tu puisses le conduire, tu puisses préparer Jacob, tu puisses l'aider, Père Dieu, afin que cela puisse glorifier ton unique nom. Sois béni, Père. Sois loué et sois exalté. Merci de ce que tu as écouté nos prières. Nous pensons à Bruce aussi, qui est en déplacement, que tu le raccompagnes en sécurité, Père, auprès de sa famille ici au Burkina. Merci pour ta bonté. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien, tu ne sais pas. La sœur Léa comprend le français bien, bien. Haya, si elle ne comprend pas, toi, tu peux traduire. Approche-toi pour traduire. C'est allemand que tu as fait, mais on ne te demande pas de faire le fleu aujourd'hui. On te demande de traduire en français. Tu peux faire, c'est du français au là. Tu peux. Allez, approche-toi pour aider Léa. Commence à jouer ton rôle de traductrice. Ok. Nous approchons doucement vers la Pâque, c'est ça? On ne vous a jamais angoissé pour la Pâque là? La Sina. Toi, tu as la chance, hein? Ok. Moi, on m'a déjà rappelé qu'il faut que je paye la couture. Je n'ai rien dit. Bon, on m'a déjà rappelé qu'il faut que je paye ceci au moins deux ou trois fois. Parce que la Pâque est en train de venir, c'est ça? Bon, donc, regardez un peu partout. Même si ça n'a pas la même envergure que la Noël, quand même, les gens préparent la Pâque aussi. Et en tant que chrétien, je crois que si on enlève l'événement de la Pâque, est-ce que la substance de notre foi peut demeurer? Elle peut demeurer? Elle n'allait pas demeurer. L'apôtre Paul a dit quoi? L'apôtre Paul a dit que si Christ est mort, s'il n'est pas ressuscité, ça veut dire quoi? Que sa foi est vaine. Tout ce que lui, il peut dire, c'est vain. Si nous célébrons la Pâque, c'est pour nous rappeler de ce que le Seigneur a vécu et aussi de cet événement important qui est la résurrection. C'est ce qu'il avait promis, il l'a fait. Et tout ce qui a suivi la résurrection. Et ce matin, je voudrais commencer un partage avec vous. Aujourd'hui, le dimanche prochain, et terminer le jour de la Pâque. Et j'ai intitulé ce partage-là « La paix et la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. » La paix et la mission que le Seigneur a confiée à ses disciples. Et nous allons lire le texte de base. C'est dans Jean au chapitre 20. Nous allons lire 4 versets, mais c'est tout le chapitre qui sera concerné. Lorsque nous pensons à cet événement de la Pâque, nous voyons, surtout au chapitre 20, qu'il relate tout ce qui s'est passé et l'attente des disciples jusqu'au chapitre 19, c'est leur maître sur lequel ils avaient tant compté. Ce maître qui a fait des miracles et la grosse déception que les disciples ont eue de voir que ce maître tout puissant qui avait la capacité de faire descendre des anges pour combattre ces gens s'est laissé attraper, il s'est laissé battre, maltraiter, il a accepté qu'on aille jusqu'à le clouer sur une croix et il en est mort. Et la fin du chapitre 19 nous montre de quelle façon il a été enterré. C'est avec précipitation. Il nous a dit qu'il s'approchait du sabbat. Et à cause de cela, tout ce dont il avait besoin, qu'on puisse préparer son corps, y mettre des arômes, le temps ne permettait plus. Donc c'est de façon précipitée qu'on l'a enterré. Imaginez la déception de ses disciples. Et le chapitre 20 commence maintenant nous parlant de ce qui s'est passé après cet enterrement. Je voudrais que nous lisons les trois versets, les quatre versets, c'est-à-dire Jean 20, le verset 19 au verset 23. Alila, dans sa version français courant, si tu l'as, tu le lis à haute voix. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé la porte à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon, l'obtiendront pas. Amen. Bien. En nous arrêtant dans ce texte, j'ai choisi des trois éléments sur lesquels je voudrais partager avec vous. Le premier élément, c'est la paix dont parle Jésus. Voyez, au verset 19, vers la fin, il a dit la paix soit avec vous. Verset 21, il reprend encore, Jésus le dit de nouveau. Nous qui comprenons le français, ça veut dire que c'est répétitif. Et dit encore, la paix soit avec vous. Donc, de quelle paix parlait Jésus? Pour qu'il puisse en parler plusieurs fois. Ensuite, le deuxième aspect sur lequel je voudrais pour la semaine prochaine parler, il leur a dit au verset 21, la seconde partie du 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'est pas une mission? C'est cela? Bien. Mais cette mission, il ne les a pas laissé aller faire cette mission seule, comme ça. Il a fait quelque chose. En lisant le verset 22, il nous a dit, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Repartez à Actes. Dans Actes, qu'est-ce qu'il te dit là? Il leur avait dit de rester dans la chambre haute et d'attendre la puissance, le Saint-Esprit qui allait venir. Ici, Jean le dit expressément, il les équipe. Nous allons voir l'équipement pour la mission. Et ensuite, le jour de la Pâque, nous allons voir l'autorité donnée pour la mission. Le verset 23 nous dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. N'est-ce pas une autorité? C'est pas ça? C'est pas une certaine puissance? Et ça, si nous sommes conscients de cela, cela doit nous faire réfléchir et changer d'attitude. Ce matin, nous allons parler de la paix. Cette paix dont parlait Jésus. Parce qu'elle était importante au point où il en a fait cas deux fois. Si vous prenez le texte grec lui-même, la manière dont on a traduit, c'est dans le bon français. Si c'est le texte grec, si on prend mot à mot, c'est comme « paix à vous ». C'est une salutation hébraïque. Je crois que dans nos, même dans nos langues, on a souvent, quand on salue, on dit quoi? Allez, Soroma. Herebeyoa. C'est pas ça qu'on demande? Hein? Les musulmans disent quoi? La fi bembi. Et ils disent bi pour l'interrogation. Si c'est en sang, on va demander. Herembi pan. Oh, herembi pan. Le pan là chez nous, c'est pour l'interrogation. Je sais qu'en Boaba, c'est différent. Mais quand on pose toujours la paix là, quand on dit est-ce qu'il y a la paix, ça veut dire quoi? Paix là. Ça n'a pas de sens? Et d'ailleurs, quand on dit herédron, moi je dis toujours, ils ne réfléchissent pas. Parce que si on dit herédron, ça veut dire quoi? Traduisez correctement en français. Hein? La paix seulement, ça veut dire c'est insignifiant. C'est pas ça? C'est pas important. C'est herédron. C'est la paix seulement. Mais le sens profond est autre chose. C'est-à-dire, il n'y a que la paix. C'est élargi. Donc vous voyez que c'est compliqué de traduire d'une façon qui peut faire qu'on ne comprenne pas très bien. Le Seigneur a dit, paix à vous. Regardons un peu pourquoi il dit cela. En prenant le texte, je crois qu'on peut voir la paix sur deux angles. La paix d'abord physique, c'est-à-dire extérieure. C'est ça que nous regardons souvent, non? Si tout de suite là, il y a un cri, qu'est-ce que les gens font? Avant même de savoir de quoi il s'est agi, on fait quoi? On se met à l'abri avant de chercher à voir. Pour ceux qui sont prudents, c'est pas ça? Pour ceux qui ne sont pas prudents, veulent voir avant. Et si ça va les bouffer, ça les bouffe. Allons au verset 19. Le verset 19, on nous dit... Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient ouvertes, fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. À lis ta version, c'est la même chose? Lis ta version, le verset 19. Le soir de ce même dimanche, Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Merci. Vous avez vu, ils avaient fermé la porte à... Ici, on a dit, les portes étaient fermées. On peut fermer sans que ça soit à clé. Si on ferme à clé, ça a un sens. Ça veut dire quoi? Qu'on veut être en sécurité à l'intérieur et que toute menace extérieure ne puisse pas vous assaillir. C'est pas cela? Donc, de façon extérieure, il y avait déjà ce manque de paix. S'ils avaient la paix, ils n'allaient pas fermer leur porte. Et encore moins la fermer à clé. Parce qu'ils avaient cette crainte que des Juifs viennent les agresser. Les Juifs, ce sont eux qui ont fait quoi? Qui ont cloué leur maître, qui l'ont tué sur la croix. Et vous voyez, si vous repartez en arrière, lorsque Pierre, qui semblait être le plus courageux, a suivi pour aller jusque dans le palais pour tout voir. Quand on a dit, lui, il est un d'entre eux, il a dit quoi? Il a renié. Combien de fois? Trois fois. Parce qu'il avait peur qu'on l'attrape lui aussi, le joigne à son maître et puis le crucifier. Donc, extérieurement, il n'y avait pas de paix. Il y avait une menace. Et ces gens qui ont vécu ces moments difficiles n'étaient pas prêts à ce que eux-mêmes, je vais dire, soient agressés. Il n'y avait pas de paix extérieure. Donc, il y avait tellement d'hostilité dehors que eux-mêmes voulaient se protéger. Mais vous voyez, la paix est un phénomène qui est contagieux. Et la crainte aussi est un phénomène contagieux. C'est pas vrai? La paix est un phénomène contagieux. Le manque de paix est également un phénomène contagieux. Et on peut remarquer le manque de paix extérieur qui va influencer l'intérieur. Allons au début du chapitre. Je vais demander à Ali de commencer à lire. Les deux premiers versets, chapitre 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Continue la lecture. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Merci. On nous présente trois des disciples, n'est-ce pas? Marie, c'est ça? Même si elle, on ne l'avait pas nommée. Et puis qui est qui? Pierre et l'autre disciple qu'on n'a pas nommé. Et plus tard, on sait qu'il s'agit de l'apôtre Jean. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est habituel que des adultes courent? C'est habituel que vous voyez des adultes courir? Il est dit, Marie est allée à la tombe. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? C'était ouvert. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru pour aller vers les disciples. Cette course-là montre quoi? Qu'il y a un manque de paix intérieure. C'est pas cela? Il y a des questions en elle auxquelles elle ne peut pas donner de réponse. Et ça la dépasse. Et ça, c'est le manque de paix intérieure qui se trouble. Et elle cherche une solution. Elle va voir les disciples. Et vous voyez, elle voit ceux qui sont les plus importants. Pierre était l'un d'eux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces gens ont fait aussi? Ils se sont assis. Ils ont marché. Ils ont fait quoi? Ils ont eu du souci. Intérieurement, il y a un manque de paix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pip, la course. Il est dit que Pierre a été devancé par l'autre disciple. Peut-être qu'il était plus vieux et l'autre était plus agile. Mais ces gens qui sont des adultes, qui courent, cela montre un manque de paix en eux. Il y a un problème. Et ils cherchent, il y a l'ennemi, il faut résoudre. Nous continuons. Je veux que Ali continue. Mais avec à partir du verset 10. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges en vêtements blancs assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent: pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensa que c'était le jardinier, c'est pourquoi elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. Merci, merci. Les deux hommes n'ont pas été, ils n'ont pas eu de réponse, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans leur trouble intérieur. Mais Marie a fait quoi? Marie est restée. Et dans le petit passage que nous avons lu trois fois d'affilée, on parle de pleurer. Et je vous pose la question. Qu'est-ce que ces pleurs peuvent représenter? C'est un manque de paix intérieure. Lorsqu'il y a un manque de paix intérieure, qu'est-ce que ça fait? On revoit cela, ça rejaillit par ses larmes, par ses tristesses. Il y avait un manque de paix intérieure. Et il y a un autre élément encore qui montre qu'il y avait un manque de paix intérieure. Est-ce qu'elle a reconnu Jésus à première vue? Elle a reconnu? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été troublé au point où vous n'avez même plus retrouvé la route ou bien le lieu où vous êtes, vous êtes perdu. Cela ne vous est jamais arrivé? Jamais? Répondez-moi. Personne n'a jamais vécu cette expérience-là. Une situation qui vous arrive au point où vous ne pouvez même pas reconnaître les gens qui sont à côté de vous. Parce que intérieurement, ça bouillonne. On vous secoue même pour dire, mais c'est moi! C'est moi! Et puis vous retournez, voyez, c'est lui. Ou bien, la situation vous a tellement choqué et vous partez sans vous rendre compte. Et on vous dit, hé, où vas-tu? Vous dites, je pars là-bas. On dit, non, c'est la direction opposée. Quand on manque de paix intérieure, les organes de sens ne semblent plus fonctionner convenablement. Cette dame qui a vécu avec Jésus pendant tout ce temps-là n'arrivait même pas plus reconnaître Jésus, montrant qu'il n'y avait pas de paix intérieure. Je vous ai dit, la paix et le manque de paix sont des phénomènes contagieux. Lorsque vous manquez de paix intérieure, ça affecte l'extérieur aussi. N'est-ce pas? Retrouvez-vous dans une situation où quelqu'un est en colère. Est-ce qu'il y a la paix? Et il réagit et cette réaction touche les gens dehors. N'est-ce pas? Vous avez déjà séparé des gens qui se battent. Là, il y a des fois, quand vous voyez, vous préférez ne pas vous approcher. Parce que si les gens utilisent la force, ils ont des choses en main, si vous vous approchez, est-ce que vous pouvez les séparer? Vous risquez de prendre un coup. Donc, le manque de paix extérieure influence la paix intérieure et le manque de paix s'y installe. Comme le manque de paix intérieure peut influencer l'extérieur, et là aussi, le manque de paix s'installe. Jésus connaissait ces gens-là. Il connaissait ses disciples. Il savait qu'ils étaient dans le trouble. Voilà pourquoi la première fois, quand il a dit que la paix soit sur vous, si nous disons la suite du verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a présenté ses... quoi? Ses mains. Ça, c'est pourquoi. Parce qu'il n'est pas rentré par une porte ouverte. Il a dit la porte était fermée à clé. Mais lui, il est rentré. Et il a su que ces gars allaient, ils risquaient fort de crier, d'avoir encore moins de paix. Il a dit que la paix soit avec vous. Et il a présenté ses mains. Et il voyait sur ses mains les traces de clous. Pour les rassurer. C'est ça? Et immédiatement après cela, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils étaient remplis de joie. À la place de l'angoisse, à la place de l'inquiétude, c'est la joie qui s'est installée. Et il ne s'est pas arrêté. Il a encore dit que la paix soit avec vous. sans paix, il n'est pas possible. Et le Seigneur savait pourquoi il parlait de la paix. Quand nous lisons dans Jean, toujours l'évangéliste Jean, si nous lisons dans Jean 14, le verset 27, Jésus dit quelque chose d'important. Je le lis dans ma version, lui second ici, Jean 14, 27, voilà ce qu'il dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Il a dit, je vous laisse la paix. Il a bien choisi ces termes. Il laisse la paix. Ensuite, il dit, je donne la paix. Je vous pose une question. Quand on laisse quelque chose quelque part, les gens qui sont autour, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Docteur, ils peuvent observer d'abord, parce qu'on ne prend pas directement. Hein. Si c'est dangereux, si tu prends, ça va t'amener. Ils peuvent observer, c'est ça? Oui, quand quelque chose est laissé quelque part, on peut observer. Et maintenant, ce qu'il a dit, une fois que vous avez observé et vous avez trouvé que ça vous convient ou vous avez trouvé que c'est bien, en ce moment, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez prendre. Voilà pourquoi les verbes ont été bien choisis. Il a dit, je vous laisse ma paix. Il ne force pas les gens. Il la pose à leur disposition. C'est eux qui regardent cette paix, qui se rendent compte que c'est bien, ils l'apprennent. C'est après cela, il dit, je vous donne ma paix. Donner, c'est quoi? Quand on donne, on fait quoi? L'autre fait quoi? Il reçoit. Et il a dit, je ne la donne pas comme le monde donne la paix, sa paix. Quand vous regardez le monde là, s'il dit, je ne la donne pas comme le monde donne sa paix, est-ce que le monde donne souvent la paix? Le monde fait quoi? Le monde impose la paix. C'est pas ça? C'est pas ce qu'ils font? Deux belligérants, les gars se tirent les uns sur les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent et puis ils disent, les gars, ils sont donc à se mettre au milieu. Les gars ne sont pas d'accord pour la paix. Et ceux qui sont au milieu, on fait quoi d'eux? Hein? Ceux qui sont au milieu, on fait quoi d'eux? L'assemblée n'est pas prêt pour la paix. La ligne n'est pas prêt pour la paix. Le pasteur se met au milieu. Et dit, il faut la paix. Ça, c'est une paix imposée. Est-ce qu'une paix imposée peut marcher? Et c'est notre monde aujourd'hui. Regardez autour de vous. Les Nations Unies dépensent des tonnes et des tonnes d'argent pour la paix. Est-ce que la paix est là? Répondez-moi, c'est là? Ça ne peut pas venir. Non, parce que ce n'est pas une paix laissée. Ce n'est pas une paix donnée dans les normes. La paix est un phénomène que celui qui la veut, la prend, l'accepte. Mais la paix, quand on l'impose, ça ne marche pas. Bon, certains d'entre vous diront qu'ils sont jeunes. Mais vous avez déjà été intermédiaire entre quelqu'un et sa femme? C'est déjà arrivé? Quelqu'un et sa femme sont en bagarre. Vous avez été celui qui va faire la médiation. Mais vous avez parlé. Mais si, quand on vient pour la médiation, c'est pour quoi? Pour que cet état de bagarre qui était là s'arrête et qu'il y ait la paix. C'est ça, non? Mais quand vous êtes un médiateur, lorsqu'au bout d'un certain moment, même si la femme dit d'accord, je suis d'accord, et le monsieur dit je suis d'accord, ce sont des d'accord qui ne sont pas vrais, vous savez. Ou bien, et quand vous quittez, vous-même vous êtes conscient, ça n'aura pas marché. Dit d'accord. Tu as dit, bon, comme c'est vous, je suis d'accord. Mais vous savez, je ne vais jamais oublier ça. Bon. Si on vous dit ça, est-ce que vous pouvez dire que c'est réglé? C'est pas réglé. C'est vrai, l'oubli, ça prend du temps avant que l'oubli vienne. Mais si la personne vous dit, mais je ne vais jamais oublier ça, ça veut dire, c'est encore là. Et vous connaissez des gens, quand ils ont été froissés, ils tirent leur carnet, ils marquent. voilà, elle m'a insulté. La date, voilà ce qu'elle m'a dit. Et puis, garde. Ça, ça peut s'oublier. Ça peut s'effacer. Répondez-moi, ça peut s'effacer. Non. Des gens accumulent et posent pour un jour sortir, pour dire, voilà, tu m'avais dit, c'est tel jour, avec précision, tel autre jour, tel autre jour, tel autre jour. Mais mes frères, la paix n'est pas quelque chose qu'on impose. Et la manière de donner la paix est différente. Et Jésus a dit clairement, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne sa paix. Et la vraie manière d'avoir cette paix, la Bible nous l'explique dans le psaume 91, les deux premiers versets. Je vais demander à Ali de lire cela pour nous. Psaume 91, versets 1 et 2. Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Ok. Ma version me dit, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verbe reposer, ça veut dire quoi? Tout le monde connaît le sens, non? Karim, reposer, c'est quoi? Toi, tu es un professeur. Même si c'est en français, là, quand même, anglais, là, tu comprends aussi. Oui. C'est pour reprendre des forces. Voilà. Et quand on dit qu'on se repose, est-ce qu'il y a une inquiétude? Quand on dit se reposer, il y a la sécurité. N'est-ce pas? Et reposer, ça veut dire... je veux dire quoi? Et puis, il y a l'abla. C'est-à-dire, tu te laisses, il n'y a pas d'inquiétude. Hein? Vous n'avez jamais trouvé quelqu'un qui va, qui s'étale comme ça? Vous allez vous dire, mais le type là, il est bien à l'aise. Hein? C'est ça? Voilà, il n'y a rien, pas d'inquiétude. Et le repos, quand c'est fait à l'abri du Tout-Puissant, c'est vraiment la paix dans laquelle on est. Voilà la vraie paix. La vraie paix ne peut pas exister lorsque nous ne sommes pas à l'abri de Dieu, à l'abri du Tout-Puissant qui est notre refuge. Voilà la sorte de paix que Jésus donne. C'est pourquoi il a dit, sa paix est différente de celle du monde. Ce n'est pas une paix marchandée. Non. Ce n'est pas une paix quand vous prenez, vous doutez encore. Ou bien, vous vous dites qu'elle est limitée. Le monde est éphémère. Et ce qu'il contient, c'est éphémère aussi. C'est pas cela? Tout ce que l'homme est limité. Tout ce que l'homme peut pour produire ne peut pas être illimité. Et c'est cette paix que Jésus veut que ses disciples aient. D'abord intérieure. Si vous n'avez pas cette paix intérieure, est-ce que vous pouvez exécuter la mission que le Seigneur nous demande de faire? Pas du tout. Vous avez des gens qui vont pour prêcher l'évangile. Mettez-vous à la place de ces gens. On vous attrape, on vous fouette bien. Et puis on vous dit, est-ce que tu vas revenir demain? Et dit, alléluia, demain je reviendrai. S'il n'a pas une paix intérieure, il peut revenir. Il peut même répondre qu'il va venir demain. Il peut. Il a une paix, il a une assurance en lui. C'est-à-dire, le physique que vous êtes en train de vouloir agresser, ça, ce n'est pas l'important. Mais en moi, ce qui est là, ce qui est intérieur, c'est ça qui est important. Et comme Dieu m'a permis que je puisse encore tenir, demain je reviendrai. Et à force de persévérance, on finira par accepter et l'écouter. Parce que ceux qui vont le fouetter vont se fatiguer. Et quand ils vont se fatiguer, ils n'auront pas plus d'autre choix. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Le dimanche passé, je vous ai parlé de cette dame très coléreuse et bagarreuse qui a été choquée par sa voisine. Elle a utilisé toutes les manières pour pouvoir l'énerver. C'est parce que sa voisine avait cette paix intérieure. N'est-ce pas? Vous qui êtes des dames là, Est-ce qu'on peut vous offenser facilement comme ça et puis vous allez accepter? Rosalie, tu es prête pour ça? Hein? Ta voisine la balaie et puis elle, au-dessus du mur, là, elle verse des ordures là, là-bas. Tu vas dire, hé, ma soeur, il y a quoi? Bon, même si tu n'as pas assez de force pour l'affronter, mais quand même, tu vas lui parler. Parce que tu dis juridiquement, ma maison, c'est ma maison. Et puis, ce n'est pas un lieu où on jette les ordures. Les ordures, c'est de l'autre côté là-bas. Et tu vas te dire, j'ai le droit de lui demander pourquoi il fait ça. N'est-ce pas? Mais cette dame n'a rien dit. La bagarreuse l'a regardée, croyant qu'elle allait réagir, mais elle est partie prendre simplement le balai, venir ramasser, aller le jeter dans le son bac à ordures là-bas, et puis sans rien dire, il est venu s'asseoir. Parce qu'elle avait une paix, cette paix qu'on ne peut pas déranger, cette paix que le Seigneur donne. Il faut cela. Nous ne pouvons pas faire cette mission sans cette paix que le Seigneur donne. Une paix inébranlable. Elle n'est pas physique, elle est interne. Et de façon extérieure, parce que comme je vous ai dit, la paix influence. À cause du fait que intérieurement, elle a la paix, extérieurement, cette paix demeure. Il y a des moments, si vous le voyez, la première petite chose que l'enfant a fait, elle fait quoi? Pa! Elle a tapé. Mounatari. C'est pas cela? Ok. Mais il y a des moments, elle ne réagit pas. Mais derrière ce calme-là, il y a une force cachée. Elle va l'attraper après rentrer dans la maison, s'asseoir. Et quand elle va commencer à parler, le monsieur là sait ce qui est derrière. Il va dire, maman, t'as que tout. Mais elle ne l'a pas tapé. Elle a cette paix en elle. Parce que vous pouvez le taper, il va pleurer, aller, et puis sécher ses larmes, revenir. Il vous considère comme une maman méchante. Il n'a pas compris. Mais cette maman qui a cette paix veut lui expliquer qu'est-ce que c'est ce qu'il a fait. Et lui donner tout ce que ça a comme conséquence. C'est une leçon. Demain, il ne va plus faire ça. Demain, même s'il est sur le point de faire, s'il regarde les yeux de sa maman, c'est parce qu'aujourd'hui, les yeux ne parlent plus aux enfants. Oui, Draman. Demandez à Draman. Quand il était enfant, les yeux de maman parlent. Elle n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose. Si elle se retourne et te regarde, tu disparais. Ou bien, bon, aujourd'hui, ça ne leur dit rien. Tu les regardes comme ça et dis que y a un camflé mouda. C'est pas vrai? C'est ça qu'ils font, non? Donc, or tu voulais cacher ça, tu voulais qu'on ne sache pas, mais voilà. Il t'a mis dehors. Bon, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'aide pas les enfants, on n'aide pas à les éduquer. Si tout le monde aidait à éduquer comme par notre temps, ce n'est pas comme ça. Notre temps, si tu es arrêté, peut-être même on t'a regardé, tu n'as rien dit, avant que tu te rendes compte, quelqu'un vient et puis te met la tête là comme ça, coq. Et puis tu te caches, tu pars. C'est fini. Donc, cette paix, nous en avons besoin. Chacun de nous a besoin de cette paix-là. Une vraie paix, celle du Seigneur, pour que nous puissions effectivement être des gens qui sont bien préparés pour sa mission. Si nous n'avons pas cette paix, nous ne pouvons pas. Cette paix, c'est dans les rapports avec les autres. Cette paix, ça peut être même dans nos rapports nous-mêmes. Il y a des gens qui refusent de s'accepter. N'est-ce pas? Ils refusent de s'accepter tels qu'ils sont, eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont la paix? Non. Hein? Les autres là peuvent sauter 1m20. Moi, je ne peux pas sauter 1m20. Dieu, j'ai fait quoi? On commence à se plaindre. Mais voilà, lui, il a payé la moto là. Pourtant, on est les mêmes. Pourquoi moi, je n'ai pas une moto? Pourquoi? Ils refusent d'accepter certaines choses d'eux-mêmes. Vous comprenez? Si cette paix manque, est-ce que vous pouvez, de l'intérieur, influencer de l'extérieur avec de la paix? Non. Nous avons tous besoin d'avoir cette paix que le Seigneur donne. Elle est la vraie. Et elle est celle dont le monde a besoin aujourd'hui. Regardez notre monde autour de nous. Il y a trop d'agressivité. Des gens brûlent le feu et après, ils gesticulent, ils insultent le policier. Ils le menacent même. Ils connaissent les règles, c'est ça. Si ce policier n'est pas calme, n'a pas la paix en lui, il dit quoi? C'est la contravention, ça c'est un. Et puis on te dit quoi? On ajoute d'autres articles là. Hein? Agression d'un. Un quoi? Un agent public. Ça fait combien? C'est de l'argent et puis on peut te jeter en tôle. Et si tu ajoutes, ça s'aggrave toujours. Si notre monde est plein de manque de paix, il n'y en a pas. Du matin jusqu'au soir, calculez combien de fois vous voyez ce manque de paix là partout. Même quand quelqu'un fonce comme ça à tombeau ouvert, il y a un problème. Lui, ça vous ne l'intéresse pas, mais il a la vie des autres. Ça ne les intéresse pas? Mais il met la vie des autres en danger. Et tout ça, ça montre qu'il y a un manque de paix quelque part. S'il y a la paix, il y aura de l'ordre. S'il y a le désordre, c'est qu'il y a un manque de paix. Et notre monde est plein de manque de paix. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous-mêmes, nous ayons la paix d'abord pour pouvoir influencer notre monde autour de nous. Viens vous tenir de pouvoir prier, chacun pour lui-même. Nous en avons besoin. Le Seigneur met cette paix à notre disposition, mais encore faut-il que nous puissions l'accepter, la prendre pour qu'elle soit intérieure et ensuite qu'elle puisse jouer et influencer l'extérieur. Que chacun prie pour lui-même en demandant au Seigneur que sa paix dont il a parlé à ses disciples, que chacun de nous, nous avons besoin de cette paix. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Je te bénis pour cela. Je t'élève, Seigneur. Je te glorifie. Je te magnifie, Seigneur, parce que toi, tu es le vrai Dieu. Tu es l'éternel, tu es le Saint des Saints. Et Père, cette paix dont tu parles, cette paix que toi, tu laisses, cette paix que tu donnes, j'en ai besoin dans ma vie, de tous les jours. J'en ai besoin dans mes paroles, j'en ai besoin dans mes actes, j'en ai besoin. Parce que Seigneur, sans cette paix, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien faire d'autre. Sans cette paix, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Ô éternel Dieu, aide-moi à la voir. Aide Seigneur, oui, moi à la posséder et à la mettre en pratique. Je te prie pour cela. Père, merci. Merci. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière et le sel de ce monde. Si nous sommes lumière et sel, ça voudrait dire que nous devons être remplis de cette paix-là. Nous allons prier pour tous les chrétiens, demandant à Dieu de mettre en eux cette paix que Jésus, dont Jésus parle, afin qu'ils puissent jouer ce rôle-là. Si vous n'avez pas cette paix en vous, vous ne pouvez pas jouer votre rôle de sel et lumière. Prions, demandons cela au Seigneur pour tous les chrétiens. Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous voulons te confier tous ceux qui, éternel Dieu, t'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui t'ont accepté, qui t'appellent Maître, éternel Dieu, chacun d'eux a besoin de cette paix pour jouer son rôle, rôle de lumière, rôle de sel, pour assaisonner au Seigneur le monde autour de lui. Nous avons besoin de cela. Nous te supplions, viens et aide-nous, viens et soutiens-nous, Seigneur. Ces chrétiens à travers le monde entier, étends ta main. Soutien, manifeste ta grâce. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. La rangée de ma droite, je vais vous demander de prier pour nos autorités, du côté de notre pays, pour que Dieu mette dans leur cœur cette paix-là, cette paix dont nous parlons, cette paix dont parle Jésus. Ceux qui sont à ma gauche, je vais me joindre à vous. Nous allons prier pour toute la population du Burkina. Que Dieu mette cette paix-là dans leur cœur. Il parle toujours de paix, mais vous voyez, toujours ce sont ces mêmes violences qui sont là. Demandons à Dieu de mettre cette paix dans le cœur des habitants de ce pays. Prions. Père, nous sommes encore devant toi. Nous t'invoquons et nous te supplions. Nous voulons que, Seigneur, cette paix dont parle Jésus, qui est une paix qui touche l'extérieur, une paix qui influence, que, Seigneur, tu donnes cette paix à la population. Ces hommes et ces femmes, ces enfants, cette jeunesse, met cette paix dans leur cœur. Ô éternel Dieu, nous en avons besoin. Nous voulons cela. Nous voulons, Seigneur, vivre dans la paix. Chaque jour, nous t'invoquons pour cela. Interviens, interviens, Seigneur. Manifeste ta grâce, élève ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et exalté. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Ali de lever la voix et de dire merci à Dieu, parce que nous avons l'assurance que cette paix dont nous avons parlé, Dieu va nous l'accorder. Il va l'accorder à ceux pour lesquels nous avons prié. Et Seigneur, nous t'avons prié ce matin.